Rock the beat. Mama, molo, des mots, doux, des doux mots pour mes gros qui comprennent dans mon cœur, je les porte. Envers eux, en défenseur, je me comporte. Des mots, gros, des gros mots pour les fils de pute. J'engage la lutte. Si je dégoubille, on ramassera mes vomis. Si on me pond sur que quelqu'un sûr couvra du salam, la corde autour de mon cou. Old school, je m'appuie pour un doux. Look it like, dans la cour de grange, des boules. Jaloux, jaloux, jaloux. Comme toi je prie, comme toi j'ai connu les abîmes. Tu te prends pour un dur, genre jamais tu t'écris. Dis-moi, quel sentiment t'anime. Jaloux, jaloux. J'ai attendu longtemps pour en arriver là. Pose tranquille, même en a cappella. Crescendo, crescendo. Teste-moi, sur du scherzo. Du Congo je viens, de mon agro Alain. Chien, je porte du lin. Quelquefois je joue les fous, me cherche pas les fous. Je lui laissera des sous, pire tes vieux coups. Je ne possède rien, pourquoi tu m'en fais? Garde espoir, tant que t'es en vie. Y'a Richard, je te l'engole. Tu ne fais pas partie de ce qu'on appelle au Gogol. Ce putain de soleil brille pour tout le monde. A toi de savoir faire en toutes circonstances ta ronde. Affronte le danger et persévère. Même à Baudelaire, combat la misère. Comme toi je crie, comme toi j'ai connu les appris. Tu te prends pour un dur, genre jamais tu t'écris. Toi, dis-moi, quel sentiment t'anime. Quand les autres se frottent à la police, mon plaisir est d'écrire des textes, sortir des disques. Je prends tous les risques, canalise mon énergie pour le bien de ma fille, de ma famille, de mon mieux. Je fais pour mes amis, devant mes yeux je ne veux voir aucune béquille. Entretiens mon idylle, pays des îles, le soleil qui illumine mon existence. Si je suis encore cette douce chaleur qui fait fondre le fromage de ton cœur, accorde-moi cette danse. Ensemble on vieillera, vieillira, qui vivra verra, tourdra, robuste, déguste, salmunus, titus, en tout temps comme Cladius, Jamer Bacchus. Pour réussir, jamais je ne tendrai mon anus. Comme toi, j'ai tagué les arrières de bus. En attendant, je t'enjaille, mon sang, telle une grosse bite, pénètre dès les entrailles. Jusqu'à LA, j'envoie des délais. Comme toi, je crie. Comme toi, j'ai connu les abysses.